Pour vos différents travaux de chauffage et de plomberie, c'est l'équipe de Plomberie R. Maurice qu'il faut consulter. Une entreprise professionnelle en affaires depuis plus de 40 ans qui saura bien vous conseiller pour vos travaux. Toute notre équipe vous souhaite une bonne année, santé, bonheur et prospérité. Ce sont les vœux de l'équipe de Plomberie R. Maurice du 277 route du 1er rang, Albanel. 418-276-2204. On va parler d'NCAA avec notre ami Wallet. C'est sa dernière chronique de l'année. Salut, Wallet. Salut, Danny. Bon matin, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, j'ai adoré faire la chronique avec toi. Je te le dis tout de suite, là. Je vais te le dire en dehors de... tantôt. Je te l'ai dit en dehors des ondes. Je te l'ai dit en ondes. Maudit que c'était le fun. Ça l'a amené une autre dynamique au football. Tu sais, ça fait longtemps que je parle de la LCF. Ça fait longtemps que je parle de la NFL. Mais amener la NCAA, c'est sûr que c'est pas le... C'est pas la ligue la plus populaire parce qu'il y a tellement, au départ, il y a tellement d'équipes, faut connaître pour être s'intéresser. Faut s'intéresser à toutes les. Faut savoir comment marchent les divisions, puis il y en a tellement. La NCAA, c'est. Il n'y a pas une 30 équipes comme la NFL, là. Non, effectivement. Puis regarde, comme on se dit avant les autres, si mes chroniques avec toi semaine après semaine, ben, ça fait en sorte qu'on gagne un ou deux ou trois ou cinq nouveaux fans par semaine ou par année, ben, c'est cinq fans de plus. Puis, nous, ça fait 10 ans que Nancy, ça fait 10 ans que j'ai plus de 10 ans de réputation. Regarde, plus qu'on a de fans, ben, plus que je suis heureux. Ouais. Wallet, est-ce que personnellement, est-ce que la NCAA, c'est ta ligue favorite? Ben, t'aimes la NFL ou t'aimes également la Ligue canadienne? Là, j'imagine que tu vas suivre beaucoup la NFL, les matchs éliminatoires, mais est-ce que c'est des trois ligues? C'est sûr que la LCF, il n'y a pas grand fan de la LCF, malheureusement, là. Mais est-ce que tu suis autant la NFL que la NCAA? Ben, c'est vraiment la NCAA. Ben, c'est sûr que j'investis beaucoup plus de mon temps personnel sur la NCAA. Okay. C'est vraiment devenu une passion, comme je disais, là, ça fait 10 ans que j'écris sur la NCAA. Mais mon premier amour à la base, c'était la NFL. Puis la Ligue canadienne de football, là, au début des années 2000, là, j'adorais les deux ligues. Okay. Puis au fil des années, ben, je suis plus devenu un plus gros fan de la NCAA. Personnellement, j'aime mieux le spectacle, j'aime mieux la variété que la NCAA nous offre, mais je continue à suivre naturellement de façon assidue la NFL, puis la LCF, ben regarde, sans dire que je suis un fan fini, je continue de suivre la ligue, voir qu'est-ce qui se passe. Je vis en banlieue de Calgary, puis je suis un fan des Stampeders parce que c'est mon équipe locale, puis je me présente au McMahon Stadium au moins une fois par été là, pour aller voir un match des Stampeders. OK. Ah, t'es à Calgary. Je savais pas que t'étais à Calgary. On se parle depuis le début, puis je me demandais ça. Hey, Wallet, je suis content matin, même si on n'a pas eu de match. Ben, t'as vu peut-être sur les médias sociaux. Je suis content. À l'Alabama, je suis content de les avoir mangé de... qui perdent une chose, mais d'avoir mangé une volée, c'est une autre chose. Et je pense que ça, l'interception de Tua en début de match, j'ai l'impression, a donné le ton. Même s'ils sont revenus par la suite assez fort à l'Alabama, là, il y a eu des interceptions qui ont fait mal. Il y a eu le quatrième jeu qui n'a pas été souvent converti par Alabama. Et ça, ça a fait mal aussi. Et moi, j'ai découvert un cas hier extraordinaire. C'est un freshman. Imagine-toi, c'est un joueur de première année que l'année passée, à pareille date, était à l'école secondaire. Je pense que j'ai jamais vu ça. Puis pour les fans qui ont écouté le match ou qui ont peut-être pas porté attention sur ce qu'ils comprennent pas, les animateurs du match hier, ils ont eu un petit moment, là, c'était assez intéressant qu'est-ce qu'ils ont dit. Lorsqu'il était à sa neuvième année, dans le fond, ça veut dire à sa deuxième année au secondaire, Trevor Lawrence, il lui restait encore 3 ans à jouer au secondaire. Il recevait des offres là, de toutes les écoles au pays. Il n'aurait pas allé jouer pour n'importe qui. Puis les équipes ont fait de lui offrir des bourses pour aller jouer avec eux. Puis Dabo Sweeney puis son instructeur offensif se sont rendus sur le campus de Georgia pour aller voir Trevor Lawrence. Puis lui ont dit, regarde, personnellement, on trouve que tu es trop jeune pour te donner une bourse scolaire, mais on adore ce qu'on a vu. Tu es un excellent bon joueur. Puis on va rester en contact, puis dans le futur, on va te donner une bourse scolaire. Puis c'est vraiment ça qui a retenu l'attention de Trevor Lawrence, de se faire dire, regarde, t'es bon, mais on trouve trop urgent de te donner une bourse scolaire, mais on va t'en donner une dans 2 ans lorsque tu vas être prêt. Puis Trevor Lawrence lui-même, il dit, c'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi, qui me dit, regarde, ce programme-là, il est sérieux, c'est pour eux que j'en joue. OK, OK. Tu dis que 3 ans avant, il était au high school, 3 ans avant, toutes les universités couraient après? C'est extraordinaire. Bon, c'est jamais vu, ça? Ben, je te dirais que ça, il y a des équipes qui vont tendre la perche parce qu'ils n'ont pas vraiment de chance de signer des joueurs aussi talentueux puis qu'ils se disent, regarde, il va peut-être vouloir venir avec nous, mais c'est vraiment des cas uniques. Là. Puis Trevor Lawrence, il l'a beaucoup meilleur. Moi, je le dis depuis le début de la saison, ce jeune joueur-là, il a les aptitudes pour devenir le Peyton Manning des années 2020 et plus. Ça va être, s'il ne se blesse pas, team. S'il garde sa tête sur ses épaules comme qu'il semble avoir déjà, le carrière du futur, puis il va avoir une très belle carrière dans le college football. Puis la NFL, ben, comme qu'on dit, le sky is the limit. Ouais, c'est incroyable. Ça veut dire qu'il va être éligible dans 2 ans seulement? En 2021, oui. Incroyable, incroyable, pareil, pareil. Mais es-tu d'accord avec moi que le match a été joué là? Écoute, les quatrièmes jeux non convertis, les gros jeux défensifs, les attrapés de Ross également. Il a fait des gros attrapés durant le match aussi. Oui, puis... De Ross. Je sais qu'il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient que c'était pas le match serré qu'on s'attendait, mais séquence après séquence, Alabama traversait le terrain, faisait des excellents jeux en offensive. Campbell trouvait un moyen. Je les ai arrêtés dans la zone payante, le red zone. Séquence après séquence, il y a eu la tentative de, il y a eu la tentative de 3 points qu'on a essayé de convertir avec un jeu de course avec le batteur, qui n'était pas très très fameux du côté d'Alabama. On a vu vraiment des belles choses dans ce match-là, plus de 900 verges en attaque combinées des deux équipes. Mais au final, on l'a mentionné plusieurs fois, la défensive de Clemson, puis comme tu l'as dit, l'interception sur la première séquence offensive a vraiment donné du bon à ce match-là. Clemson m'ont extrêmement impressionné. Le Clelin Ferrell puis Dexter Lawrence, les deux joueurs de ligne défensive, c'est des très bons joueurs de football. Ça, eux aussi vont avoir des belles carrières dans la NFL, selon moi. Ah, écoute, il y en a plusieurs là, qui vont être... j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qu'on a vus hier, qu'on va revoir dans la NFL. Ils brillent dans la NFL. Ils vont participer à des Pro Bowls et ainsi de suite, là. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Wallet, ce fut un grand plaisir de te... Hey, hier, en passant, tu avais un Facebook Live sur le Blitz, le site du Blitz NFL. Comment ça a été? Est-ce que les gens ont montré de l'intérêt? Pour ceux qui ne m'écoutent pas autre que sur tes podcasts à toi, ouais. je suis un podcast, les chums du... C'est le sportlucide.com. Puis eux, dans le fond... c'est une gang de chums qui font juste des podcasts de sport. Ils parlent de la NFL, ils parlent de la Ligue nationale de hockey. Puis, c'est des fans de college football. Puis, en 2017, ils m'ont approché pour faire des podcasts. Puis, c'était notre premier live où est-ce qu'on était en simultané sur la page Facebook de Sport Lucide puis la page Facebook de Blitz NFL. Je pense que c'est une expérience qu'on va refaire dans le futur. Il y a eu beaucoup de trafic sur nos deux pages Facebook, des excellentes questions. Je vous invite à suivre les pages Facebook du Sport Lucide et du Blitz NFL pour des chroniques futures. C'était vraiment le fun là, d'avoir des questions là, des fans de college football en direct. Puis ça prouve que le sport est en croissance, là, selon moi. Ben, ça prendrait une... c'est sûr que c'est très compliqué suivre la NCAA. C'est pas suivre la NFL, comme je t'ai dit en 23 noms. Il y a pas 32 équipes. Il y a au-dessus de 100 équipes dans la NFL, dans la NCAA. Il y a une deuxième division, il y a une troisième division également. C'est compliqué. Puis il n'y a pas de match en français. Mais un coup que tu as compris comment ça se passe, c'est très intéressant. Puis c'est vraiment le fun à voir. Wallet, un gros, gros, gros, gros merci tout au long de la saison. Ça fut fort agréable. Je pense que les gens ont apprécié. Moi, en tout cas, je l'ai apprécié. Je suivais la NCAA avant, tu m'as aidé à approfondir mes connaissances. Je te dis tout de suite, on va être l'an prochain, je te reviens, il n'y a pas de problème. Et on se parle au Combine. Je ne sais pas si tu suis les Combines, là, de la NFL. Tu m'as fait rêver. on peut se parler du combine, on peut se parler du repêchage. Ouais, je pense effectivement. Ça devient un temps de l'année qui est extrêmement intéressant, là, spécialement pour ceux qui suivent la NCAA. C'est toujours le fun de voir des joueurs que tu as vu progresser pendant 2, 3, 4 ans, de présenter au combine et éventuellement dans la NFL au repêchage. Si on a des fans de fantasy football, ça l'aide aussi là, si tu es capable de repêcher la recrue de l'année dans ton pool là, pour 2019. Je te comprends parce que j'aime ça. Je suis un grand amateur de baseball. Le baseball, c'est mon sport favori. Puis j'aime toujours suivre les filiales pour voir un peu ce qui se passe. Et ce que tu dis là, c'est tellement vrai là, que je te comprends. Wallet, un gros merci. On se reparle au Combine dans à peu près 5-6 semaines. Excellent. Wallet, merci à tout le monde. Puis, merci à tout de m'avoir donné la chance de parler de ma passion qui est le Combine. Ouais, et puis tu reviens l'année prochaine, aucun problème. Wallet, du site leblitzlfl.com.